Léo rentre de l'école avec maman. Il est en voiture et regarde par la fenêtre. Il aime bien ces moments-là. Il imagine des formes dans les nuages. Oh ! Un dragon ! Et puis une vache ! Maman l'enlève à sa rêverie et lui demande. L'école s'est bien passée, mon cœur ? Oui, on a eu des frites à la cantine. Et en dehors de la cantine, petit glouton ? La maîtresse nous a demandé d'apporter le jouet que l'on préfère à l'école demain. Tu as déjà choisi celui que tu allais apporter ? Oui, je vais prendre mon vélo parce que c'est le plus rapide. Ah non, Léo, tu ne peux pas apporter ton vélo. Trouve un jouet qui rentre dans ton cartable. Léo est très embêté. Il avait déjà dit à toute la classe qu'il allait venir avec son vélo et qu'il était aussi rapide qu'une fusée. Il s'imaginait déjà en face de l'école, dévalant la pente à toute vitesse. Ici le commandant Léo. Je lance les moteurs de la fusée. Décollage dans 5, 4, 3, 2, 1, feu ! Il aurait fait un signe de la main à tous ses copains à travers le hublot de la fusée. Comme un héros dans les films. Léo essaie de convaincre maman. Mais j'ai déjà dit à tout le monde pour le vélo. Ils vont me traiter de menteur. Ça suffit, Léo. On ne discute pas. Tu as plein de jouets. Tu devrais en trouver un facilement. Arrivé dans sa chambre, Léo rassemble tous ses jouets par terre. Bien sûr, il faudra qu'il range tout après. Mais là, il y a urgence. Premier candidat, Nanin. C'est son lapin en peluche qui le suit dans toutes ses aventures. Mais hors de question de l'emmener à l'école. Ses copains vont se moquer de lui s'il ramène son doudou de bébé. Deuxième option, son bonhomme Batman. Il l'a eu en cadeau pour Noël. Mais Mathieu a déjà dit qu'il apporterait le sien, donc c'est impossible. Léo commence à perdre patience. Et il finit entouré par une montagne de jouets. Le dernier qui lui reste est un peu nul. C'est une vieille figurine de cycliste que lui avait offert son papy. Elle est toute abîmée et n'a presque plus de couleur. Mais Léo la garde parce que c'est un souvenir. Papy Raymond, c'est lui qui était vigneron avant papa. Mais Léo ne l'a jamais vu travailler. Il était déjà vieux quand il est né. Il était très rigolo, papy. Et il apprenait plein de bêtises à Léo. Mais il y avait une chose avec laquelle il ne rigolait pas, c'était le vélo. Il passait ses journées dans son garage à bricoler sa bicyclette. Il avait toutes sortes d'outils et le bruit ne s'arrêtait jamais. Quand il gardait Léo, il lui faisait toujours des peintures d'Indien avec la graisse du vélo. Ça faisait rouspéter mamie quand elle lui lavait le visage, mais ça faisait beaucoup rire papy. Un jour, il avait appelé Léo avec sa sonnette de vélo. Viens ici mon petit Léo, j'ai quelque chose pour toi. Quand j'avais ton âge, je suis allé voir le Tour de France avec mon papa et il m'a offert cette figurine. Aujourd'hui, c'est à toi que je l'offre. Prends-en grand soin, c'est très fragile. Papy Raymond était parti au ciel cet été. Ça rendait Léo triste de penser à lui. En regardant la figurine dans sa main, Léo se dit qu'il avait enfin trouvé le jouet qu'il allait apporter à l'école. Le lendemain matin, la maîtresse appelle enfin Léo au tableau pour présenter son jouet. Alors Léo, qu'est-ce que tu nous as apporté ? Il sort de sa poche la figurine et la montre à toute la classe. Peux-tu nous expliquer pourquoi tu l'as choisi ? Demande la maîtresse. Léo essaye de parler bien fort, même s'il a un peu peur devant tout le monde. C'est une figurine que m'a donnée mon papy. Elle est un peu nulle pour jouer, mais je l'aime beaucoup parce que c'est un souvenir. La maîtresse félicite Léo en disant que c'est très bien d'avoir compris que l'essentiel n'est pas matériel. Léo n'est pas certain d'avoir compris ce que ça veut dire, mais il est très content. Un compliment de la maîtresse, ça vaut tous les décollages en fusée du monde.